Nino Ice. J'assume ce que je fais, ok. Tu vois pas où je vais, ok. Mais chaque fois je mets des fessées, ok. Mais comme assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. J'assume ce que je fais, ok. Tu vois pas où je vais, ok. Mais chaque fois je mets des fessées, ok. Mais comme assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. Ok, ok. C'est cinéma, ok. Ta crédibilité, je vais te l'ôter. J'sais pas ce qui t'a choqué. Est-ce que mon rap a été mis de côté? En avance, c'est qui peut me stopper? Tu sais pas ce que j'ai stocké. Puis ça prend tes leçons, s'il te plaît. Je te garantis, c'est que tu vas sauter. T'es à nouveau, ok. Je sais que t'as pas le niveau de rivaliser, tu peux que dire ok. T'es froqué, on a couplé, calme est toujours OP. T'as craqué, tu veux me traquer, il va falloir raquer. T'as croqué, tu fais pas de progrès. Serais-tu un rat, t'es bien pas trop près. Sauf ta peau, sauf ta go. Dis-moi, est-ce que t'as encore envie de parler? Sauf ta peau, sauf ta go. Fonce les yeux fermés, c'est parfait. On dit des shows, on dit des faux. Single, chat, voyage, c'est fait. J'ai fait mes dos, j'ai fait mes dos. Tu m'as vu gentil, ça c'est tout. Moi c'est vrai, t'as fait l'erreur de prendre ça pour de la faiblesse de bête. Demande-toi pourquoi j'ai toujours eu le respect de mes pères, des MC. Je suis kiffé au crin, même parti. Assez de cinéma, ok. J'assume ce que je fais, ok. Tu vois pas où je vais, ok. Mais chaque fois je mets des fessées, ok. Mais comme assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. J'assume ce que je fais, ok. Tu vois pas où je vais, ok. Chaque fois je mets des fessées, ok. Mais comme assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. Ok. Cette façon de poser les mots, de se démarquer du lot, dans leur recherche des défauts, soyons des pros. Juge la qualité, la perf de celui qui est perché là-haut. Check c'est là, excellent, exactement. Vexe pas, j'exécute les vœux du dieu du rap, la sentence est tombée, chute. Tes foutaises n'ont plus aucun poids et c'est parfait. Tous ceux qui veulent prendre mon créneau, je les défais. Dites combien sont perdus, s'accrochent à leur projet. Enfouis dans le silence, jugé comme un procès. Ça crée la surprise quand de gauche par le crochet. Voilà ma façon d'avancer. Fais-leur croire que c'est sans danger. Ça te fait mal mais t'es ok. Prépare-toi bien, ça va changer. Que ta souffrance soit gravée. Ça crée des braves prêts à cramer. Mes phrases embrasent et des crasses. Tous les crasses se crachent sur mon trajet. Sans l'effort, dans la chair, dans les tripes. Dans ce cœur qui se bat sans limite. C'est d'abord dans ton père quand ça grippe. Mentalité on n'est jamais quitte. J'aurais tort de me taire, je l'écris. Ce que j'ai fait je m'en félicite. Je mets encore en clair une claque pour clore ce titre. Assez de cinéma, ok. J'assume ce que je fais, ok. Tu vois pas où je vais, ok. Mais chaque fois je mets des fessées, ok. Mais comme assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. J'assume ce que je fais, ok. Tu vois pas où je vais, ok. Chaque fois je mets des fessées, ok. Mais comme assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. Ok, ok. Casse la gueule. Aussi insolent je leur casse la gueule. Aussi facilement et ça passe tout seul. Amenez-moi la manière de monnayer le maniement du mic. Même les meilleurs, je leur casse la gueule. Élimine magnifiquement, j'ai la classe qu'ils veulent. En dominant en ce moment, passe au next level. Amenez-moi la manière de monnayer le maniement du mic. Même les meilleurs, je leur casse la gueule. J'assume ce que je fais, ok. Tu vois pas où je vais, ok. Mais chaque fois je mets des fessées, ok. Mais comme assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. J'assume ce que je fais, ok. Tu vois pas où je vais, ok. Mais chaque fois je mets des fessées, ok. Mais comme assez de cinéma, ok. Ok, ok. Assez de cinéma, ok. Ok, ok.